petit homme a ça depuis toujours dans la tête. Avoir du temps, avoir beaucoup de temps, avoir plus de temps, avoir beaucoup plus de temps. Le temps passe, petit homme, et du temps passe. Petit homme était tellement obsédé par le temps qu'il partit à sa recherche. Chaque seconde, chaque minute était importante. Mais où trouver ce temps? Mais où? Bonjour, monsieur le chat. Je suis à la recherche de temps. Mais où trouver ce temps? Le temps? Je le trouve en dormant. Non satisfait de cette réponse, il continua son chemin. Petit homme, petit homme, le temps passe. Petit homme, petit homme, et du temps passe. Petit homme était perdu dans une forêt. Autour d'un arbre, il fut bousculé par un lapin pressé. Mais où allait-il? Mais où? Bonjour, le lapin d'Alice. Je suis à la recherche du temps. Mais où trouver ce temps? Le temps? Le temps file en aiguille, d'aiguille en aiguille, le fil au fil du temps, le temps en temps file des aiguilles du temps. Non satisfait de cette réponse, il continua son chemin. Cherchait le temps depuis des années, quand tout à coup il eut faim. Il se trouvait dans la contrée du chaos éternel, du pays des terres sombres, entre les vieilles plaines arides sans nom et les marécages nauséabonds, au-dessus de la grotte des ours cannibales et des mines sans sel, niché dans le relief escarpé des falaises de l'effroi, devant le château du pas très très gentil savant fou. Et toqua à la porte. Bonjour, monsieur le pas très très gentil savant fou. Je suis à la recherche de temps, mais où trouver ce temps? Le temps. Le temps est un milieu infini dans lequel se succèdent des événements. On peut donc le transcrire sous l'équation des galas. N'ayant rien compris à cette réponse, il continua son chemin. Petit homme était allongé sous un grand, beau, fier et grand, beau, fier chêne. Sur ce chêne, d'un vert étincelant, trônait une colonie de paons. À première vue, on eût dit une horloge, tant leur route esquissait à merveille les dessins du temps. Bonjour, monsieur le chêne à paons. Je suis là. Je suis à la recherche de temps. Mais où trouver ce temps? Je suis tantôt d'argent. Je passe. beau me laisser à moi-même si j'en emporte le vent. Une glacière à boules. Une chatire à barreaux. Un lance-pigeon. Un porte-plafond. Un pèserémon. Un pédo en mousse. Et l'indice paraît. N'ayant pas trouvé la réponse, il continua son chemin. Alors qu'il s'asseyait sur le banc, une petite fille arriva. Bonjour, petit homme, vieux. Je suis à la recherche du temps. Mais où trouver ce temps? Mais oui, je l'ai perdu à le chercher. Petite fille, prends-le avant qu'il ne soit trop tard. Satisfait de cette réponse, petit homme s'éteint. Petit homme, le temps passe. Petit homme, et tu t'effaces.